Chapitre 21e, Livide. Pendant que ces événements se déroulaient à Los Angeles et dans la Chinatown de San Francisco, d'autres aventures, tout aussi imprévues, tout aussi tristes, avaient pour théâtre l'appartement du juge Duranton et la ferme du père Dalmet, les Ravenel. Les acteurs, en dehors du juge, étaient le sergent Dalmet, la douce Madeleine, enfin ce mystérieux et dramatique revenant, le comte de Saint-Rion. Mais, avant de rentrer à Paris, avant d'affronter le juge et de risquer une aventure aussi épineuse, le comte de Saint-Rion avait pris toutes ses dispositions de combat. Rien ne se trouvait livré par lui au hasard, à la merci d'une surprise quelconque. S'il se présentait ainsi en France, c'est qu'il se savait, qu'il se croyait à peu près sûr de ne pas être inquiété ou, en cas d'arrestation, d'être remis en liberté. Autrement, c'eût été folie de sa part. Or, le comte de Saint-Rion n'était pas fou, loin de là. Naturellement, le comte de Saint-Rion avait connaissance tout de suite des démarches entreprises, cependant avec prudence par Paulin Broquet, pour avoir des renseignements sur lui. Il savait ce que loyalement les hommes de police ou de justice, détectives et magistrats, avaient pu lui dire concernant le comte de Saint-Rion. Tout cela était l'exacte vérité. Vrai également ce qu'on lui avait en même temps appris sur Alexandre, le fidèle valet de chambre. Les documents recueillis en Amérique ne pourraient donc corroborer, dans la plus étroite mesure, ce que Gabriel et Lamorce lui expédiaient de France. Oh, Alexandre, Clouteau, Zigomar, n'étaient pas hommes à ne pas se prémunir, à ne pas préparer une affaire dans ses moindres détails. Aussi, pour le cas où Gabriel, Lamorce ou même Paulin Broquet en personne interviendrait dans cette aventure dramatique, tout ce que les policiers auraient amassé soigneusement devait venir à l'appui des déclarations que ferait le comte de Saint-Rion quand il se présenterait en France et poursuivrait l'exécution de son plan, la conquête des millions de Madeleine, de Paulette. Hélas, ce n'étaient pas les seules mesures de précaution que devait prendre Zigomar. Il sentait que si Paulin Broquet se mettait en campagne contre lui, ses précautions les plus minutieuses perdraient de leur valeur, et ses chances ensuite diminueraient considérablement. À tout prix, il fallait écarter de son chemin ce terrible adversaire. Pour ce faire, Zigomar allait employer le moyen le plus odieux. Tout de suite, il avait compris que Paulin Broquet, venu en Amérique, habitant son bungalow blanc, voulait seulement vivre son bonheur et goûter uniquement la douceur de sa lune de miel, la joie ineffable d'être le mari de l'exquise et merveilleuse femme rousse, sans s'occuper d'aucune affaire. Mais le hasard avait mis Zigomar sur le chemin de Paulin Broquet. Pas un instant, en effet, Zigomar ne put croire que le détective ne l'avait pas reconnu dans ce nouveau personnage du comte de Saint-Rion. Dès que lui, Zigomar, et cela non sans surprise, il faut le dire, aperçut Paulin Broquet devant le magasin du chinois, Fuzzi, au seul échange de regards, il eut la certitude qu'en dépit de toutes ses précautions, Paulin Broquet savait déjà ou venait de savoir qui était ce comte de Saint-Rion. Mais il ne crut pas que Paulin Broquet, en congé régulier, en voyage de bonheur, commettrait cette folie de tout compromettre, de tout abandonner, pour se lancer dans une affaire dont nul ne l'avait chargé, et se jetterait bénévolement dans une nouvelle aventure qui devait détruire sa tranquillité, son bonheur. Quand Zigomar, admirablement tenu au courant de tout par ses hommes, eut appris que Paulin Broquet, rompant son incognito, s'était fait reconnaître par ses confrères des États-Unis et s'occupait du comte de Saint-Rion, il en éprouva une grande contrariété. Puis quand il vit Paulin Broquet venir rôder autour de la singulière maison de Fuzzi, dans cette mystérieuse Chinatown, il en ressentit de la colère. Enfin, quand il eut acquis la certitude de l'envoi, comme mène dans cette enquête du japonais Hayamaki, l'idée vint à Zigomar de donner au détective ce que ce dernier avait appelé un avis au lecteur. Il fit prendre à Mayaki ce qui fut, on l'a vu, très adroitement opéré et le fit jeter aux murennes. Pour la première fois, un des terribles couloirs de l'oubli de Chinatown rendait sa proie. Mais la proie emportait au mollet la marque, le Z imprimé au feu, qui devait faire connaître au détective le pouvoir dont ici également disposait le maître invisible. Cet avis au lecteur, cependant bien compris par Paulin Broquet, fut considéré par lui comme nul et non avenu. La lutte recommença donc. le détective, toujours admirablement secondé par son fidèle Jab, continua de plus belle ses recherches. Or, le temps passait. Zygomar devait rentrer en France pour jouer son rôle et faire ce que normalement eût accompli le vrai comte de Saint-Rion. Mais Zygomar ne voulait pas laisser derrière lui Paulin Broquet poursuivre son enquête. Ce diable d'homme était capable, de déduction en déduction, d'arriver à découvrir la vérité. Zygomar tenait absolument à avoir le loisir de gagner Paris, de se montrer au magistrat, de prouver que le comte de Saint-Rion n'avait pas pu être brûlé puisqu'apparaissait devant eux, bien vivant, d'encaisser ensuite les millions de Madeleine, de Paulette, puis de disparaître, le tour bien joué. L'exécution du plan de Zygomar allait demander quelques semaines. Il devait être absolument tranquille pendant ces semaines-là. Force était donc d'occuper l'esprit de Paulin Broquet, de l'empêcher de poursuivre ses recherches. Aussi, à quelque temps de là, se produisit l'événement qui devait non seulement occuper l'esprit de Paulin Broquet, mais aussi éteindre son cœur et endeuiller l'âme de la femme rousse. Un matin, comme essayait d'en apporter Darling sa tasse de chocolat, elle se pencha sur le petit lit blanc de sa fille, compta comme toujours la réveiller par de bons baisers. Mais Seden poussa un cri de terreur folle. Le lit de Darling était vide. C'était peut-être ce triste jour-là que le comte de Saint-Rion se présentait chez le bon monsieur Duranton à Mantes. Nous nous rappelons que le juge avait accepté d'accompagner le comte, ainsi devrons-nous appeler désormais au Ravenel chez les Dalmais. Le jeune avocat, maître Thirion, obtint de son cousin d'y aller avec eux. Il alla donc réquisitionner la voiture dont se servait généralement le juge pour des enquêtes ou parfois des promenades avec l'excellente madame Duranton. Monsieur Duranton s'était, dans l'intervalle, rendu dans son cabinet de juge ayant quelques signatures à donner. C'est là que devait le rejoindre le comte quand, grâce aux bons soins de madame Duranton, il aurait un peu calmé sa douleur, apaisé ses sanglots. Maître Thirion se trouvait donc dans le cabinet de son cousin quand le comte y pénétra. Sous prétexte de voir plus clair pour lire son journal, le jeune avocat s'était mis devant la croisée éclairant la pièce, le dos vers le mur. En réalité, il voulait que le jour frappât exactement le comte en face, quand le juge ferait les présentations obligatoires. Maître Thirion tenait à bien voir cet homme, à l'examiner, à étudier autant que possible sa physionomie. Le comte, annoncé par le garçon, pénétra dans le cabinet du juge. Il fut simple, très maître de lui. Il ne jeta point autour de lui le coup d'œil anxieux qui est, pour ainsi dire, instinctif, machinal, chez tous ceux qu'on introduit chez un juge d'instruction. Ceux qui n'ont pas la conscience absolument tranquille, s'entend, ceux qui savent qu'ils risquent de ne pas sortir libres de ce cabinet. Le comte s'était remis de ses émotions, de ses sanglots, mais ses yeux, rouges encore, indiquaient qu'il avait tout à l'heure pleuré longuement. « Je ne vous ai pas fait trop attendre, monsieur le juge » demanda-t-il d'une voix dolente encore, mais assurée. « Non, monsieur, » répondit le magistrat, « je finis à peine de donner mes signatures. » Il ajouta, « nous aurons un compagnon d'excursion, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais aucun. Mon cousin, maître Thirion, avocat à la cour d'appel de Paris. » Le comte et le jeune avocat échangèrent un salut. « Maître Thirion, » reprit monsieur Duranton, « a bien voulu se charger de la défense du braconnier Gervais. »« L'assassin présumé ?» fit le comte. « Présumé, oui, monsieur, mais que je tiens moi, » déclara l'avocat, « pour absolument innocent. » Le comte s'inclina encore sans mot dire. Le jeune avocat, qui le tenait sous son regard aigu, ne put le voir tressaillir, ni même pâlir, et il pensait « Très fort, cet homme, très fort !» Peu après, le juge d'instruction, le comte de Saint-Rion et le jeune avocat prenaient place dans une voiture qui s'engageait sur la route du bois de Fontenay dans la direction des Ravenel. Les trois hommes parlaient peu. On sentait qu'entre eux trois se trouvait une glace non rompue, un manque de lien. Il n'y avait vraiment pas contact. Le juge se tenait dans le fond de la voiture, raide, à peine appuyé au dossier. À sa gauche, le comte qui, la tête penchée, soucieux, l'air triste, regardait passer sous ses yeux le paysage sans y paraître attacher la moindre attention. On pouvait croire que les chagrins pesaient lourdement sur son esprit. En face, le jeune avocat semblait, lui, se laisser aller au charme de la belle nature. Tout à coup, le cocher, se retournant, dit, sans doute comme il le faisait aux voyageurs, aux curieux qu'il conduisait, « C'est là !» Du fouet, il indiquait un point dans le bois sur la route. « Le calvaire !» fit maître Thirion au comte. Celui-ci tressaillit. « Le calvaire ?» Ou c'est comme il assassina ? Il se pencha pour mieux voir, et tirant son chapeau, il salua pieusement. « C'est là !» fit-il douloureusement. « Alors c'est là !» Puis comme la voiture passait, il ajouta « Mon pauvre dévoué Alexandre, mon pauvre ami !» Sans autre incident, la voiture gagna les Ravenelles. Monsieur Duranton, en approchant de la ferme, apprit au comte que depuis l'incendie de la tilleuse, le père Dalmet offrait l'hospitalité à Madame Madeleine, au père Porfilet. Maître Thirion pensa qu'il serait peut-être prudent de ne pas arriver ainsi à l'improviste chez les Dalmet, qu'il valait mieux les prévenir. Peut-être même préparer la démente, Madeleine, la venue de celui qui se disait le comte de Saint-Rion, son époux. « Tu as raison, » dit M. Duranton. « Cours donc en avant et préviens tout le monde. Arrange les choses. » Ce fut très rapidement fait. Madeleine se trouvait dans le jardin avec le petit Fernand à qui il racontait des histoires, comme autrefois à Paulette. Le sergent était resté à la ferme où il écrivait quelques lettres. Quand le jeune avocat lui annonça la venue du comte de Saint-Rion, le sergent devint subitement tout pâle. « Le comte de Saint-Rion, » fit-il avec angoisse, « le comte de retour, il est là. » La vieille mère Dalmet s'approcha et dit pour couvrir l'émotion de son fils, « Faudra peut-être bien prévenir ton père et le père Porfilet de cette visite. »« Sans doute, » fit Jacques. « Bon, tu préviendras aussi, tu sais bien qu'elle n'écoute que toi, mon pauvre gars. » Le jeune avocat intervint. « Pardon, madame, » fit-il. « Tout d'abord, avant d'entreprendre quoi que ce soit, d'essayer aucune scène dans laquelle Madame Madeleine doive jouer un rôle, pouvez-vous me dire si la jeune femme est en état de supporter une forte émotion ?»« Bon, monsieur, tout ce que je peux vous dire à présent, c'est que Madame Madeleine physiquement se porte très bien, qu'elle est en bonne santé. Quant à son esprit, vous savez, il est dans le même état qu'avant. C'est à vous de juger ce que vous pouvez faire. Eh bien voici, je crois, ce qui sera préférable. Je vous écoute, » dit Jacques. Les deux hommes se regardèrent bien dans les yeux. Peut-être, sans s'être dit un mot de plus, comprirent-ils ce qui se passait en eux. Peut-être virent-ils qu'ils gardèrent leur âme une même pensée, un même espoir. Le jeune avocat devina sans doute que le cœur de ce bon et loyal garçon, de ce héros si simple, si franc, était pris par le charme de la blonde et exquise démente. Et peut-être le soldat eut-il le pressentiment que l'avocat voyait en se revenant un imposteur, un misérable, qu'il fallait confondre. Après un instant de réflexion, maître Thirion dit à Jacques « Voulez-vous simplement prier M. Porfilet et M. votre père de venir ici pour recevoir M. Duranton et M. de Saint-Rion ? Je cours les avertir. Quant à Madame Madeleine, ajouta l'avocat, nous irons tous deux la prendre et nous l'amènerons ici quand le moment sera venu. » Jacques quitta la maison en courant. Le jeune avocat alla prévenir son cousin et le comte qui ne tardèrent pas à pénétrer dans la cour de la ferme. Ils entraient dans la maison comme le père Porfilet et le père Dalmet y arrivaient aussi. Les deux vieux paysans se trouvèrent en face du comte qui le regarda tous deux anxieusement, comme hésitant, comme indécis. M. Duranton fit les présentations. Alors le comte vivement prit les mains du père Porfilet. Des larmes dans la voix, il s'écria. « Ah, mon ami, mon cher ami, vous qui avez servi de père à ma femme, de grand-père à mon enfant, je puis enfin vous dire toute ma reconnaissance. » Il garda les mains du vieillard et les serra fortement. Le vieux paysan abandonnait ses mains, les laissait serrer, secouées par le comte. Il tenait sur lui ses yeux gris, cachés sous la broussaille des sourcils blancs. Il le regardait, l'écoutait, mais sans répondre à cette étreinte, sans paraître même ressentir la moindre émotion. Le comte disait « Ah, quel malheur, quel épouvantable malheur !» Le vieux paysan se contentait de secouer la tête. Pas un mot ne sortit de ses lèvres, pas une larme ne coula de ses yeux. Dans le fond de la pièce, les Dalmet, le juge d'instruction, assistaient anxieux à cette scène singulière. Ils se sentaient, eux, plus émus certes que le père Porfilet. Mais leur émotion était plutôt de l'angoisse, une sorte de gêne, que de l'émotion véritable dont la source est au cœur. Enfin, le comte s'écria. « Madeleine, je voudrais voir Madeleine !» Le sergent et le jeune avocat allèrent ensemble la chercher au jardin. « Il ne faut rien lui dire !» fit vivement maître Thirion au sergent. ne la prévenez pas. Ne lui dites pas qui est là. Nous voulons voir quel effet produira sur elle la vue du comte. Mais, dit anxieux le malheureux Jacques, qui plus que tous les autres souffrait en ce moment. Mais si Madame Madeleine ressent une trop forte émotion, si elle voit son mal augmenter, si le choc enfin brise le dernier lien qui relie son âme à la terre. Maître Thirion rassura le sergent. Non, soyez sans inquiétude à ce sujet. Elle est démente, hélas. Le propre des malheureux dont l'esprit est atteint est de ne ressentir que faiblement, de ne même pas ressentir, ce qui provoquerait chez tout autre une secousse formidable. Le jeune avocat laissa alors le sergent se rendre auprès de la malade. Lui y revint à la ferme pour atteindre la venue de Madeleine et assister à cette entrée. Quand il avait dit au sergent que Madeleine ne pourrait rien ressentir, n'éprouverait aucune commotion, il s'avançait beaucoup et n'était nullement sûr du fait. Rien ne prouvait, au contraire, que Madeleine, à la vue du comte, ne ressentirait pas une forte émotion, qu'elle ne subirait pas précisément ce terrible choc tant redouté. Rien ne certifiait qu'à la vue du comte, de celui qu'elle avait tant aimé, son esprit endormi ne se réveillerait pas tout à coup. Ce réveil pouvait avoir des suites redoutables. Un tel choc sur ce cerveau fragile était capable d'amener non pas seulement la folie inguérissable, mais la paralysie. En y réfléchissant, le jeune avocat se disait « Peut-être ai-je tort de jouer ainsi avec la raison de cette malheureuse. Je n'en ai pas le droit, je peux la tuer. » Pris de terreur, il voulut joindre le sergent afin de préparer la jeune femme à la vue du comte, lui épargner l'émotion qui l'attendait, atténuer le contre-coup de la surprise. Trop tard. Madeleine entrait, portant une gerbe de fleurs et de feuillages. Elle parut toute blonde dans sa robe blanche. Ses yeux jetèrent dans la pièce comme la caresse d'un rayon bleu, et le soleil, encadrant sa tête, faisait une auréole d'or à sa beauté. « Allons, » pensa Maître Thirion, « le sort est jeté. J'ai agi dans l'intérêt de la justice, que le ciel nous seconde. » À la vue de Madeleine, le comte eut comme un cri de bonheur. « Madeleine !» Il porta les mains à son cœur, comme s'il devait le retenir dans sa poitrine. Et il fit un pas vers la jeune femme. « Madeleine, ma chère Madeleine !» La démente tourna les yeux vers lui et sembla ne pas le voir. Elle continua à marcher. De sa voix douce, veloutée, sa voix de blonde qui reste enfant toujours, elle dit en souriant, comme elle disait si souvent, « J'ai cueilli des fleurs, de belles fleurs, les plus belles fleurs. Nous allons mettre des fleurs partout, pour fêter le retour d'Armand. Armand va revenir, nous l'attendons. Il faut que partout il y ait des fleurs. » Devant le comte, elle passa lentement, souriante, comme si elle n'avait vu personne, ni les Dalmet, ni M. Duranton, ni l'avocat, ni surtout le comte. Elle disposa les fleurs dans les vases qu'on laissait toujours pour cela sur la table. « Partout des fleurs, » répétait-elle gaiement, « partout des fleurs, pour quand Armand reviendra. » Le comte s'approcha alors doucement. « Mais il est arrivé, ton Armand ? Nous l'attendons, » dit la démente, sans tourner la tête. « Nous l'attendons. » « Il est arrivé, Madeleine, il est là. » « Ce soir, il viendra. Oh, quel bonheur !»« Mais le bonheur a sonné enfin, chère âme, puisque ton Armand est là, puisqu'il est ici devant toi, puisque me voilà. » La démente, qui sans se préoccuper du comte, sans l'écouter, sans l'entendre, avait placé dans les vases ses fleurs des champs, ses branches, ses simples herbes, alors se tourna vers celui qui parlait. « Voilà, les fleurs sont mises partout. Nous n'attendons plus que mon bien-aimé. Nous attendons Armand. » Le comte s'avança vers Madeleine, prit une de ses mains. « Oh, chère âme, réveille-toi. Tu n'as plus à attendre ton Armand, puisque ton Armand est venu, puisqu'il est près de toi, puisque le voilà, puisque me voilà. » Doucement, toujours de sa voix d'enfant, Madeleine dit au comte « Armand va venir. » « Oh !» s'écria le comte, « ne me reconnais-tu pas ? Si ton esprit sommeille, ton cœur qui était mien ne peut-il parler, se rappeler le passé, te rendre à la vie ?» Te faire redevenir Madeleine, puisqu'Armand est revenu. » La jeune femme secoua la tête. « Armand arrive, bientôt, ce soir. Oh, quel bonheur !»« Mais le bonheur est là. Oh, cesse de dormir. Que ton amour s'éveille pour le voir, réveille-toi. » Ces mots semblèrent frapper la démente. « Réveillez !» fit-elle tout à coup. « Réveillez, non, non, pas réveiller. Dormir, oui, dormir. Chut, doucement, taisez-vous. Laissons-le dormir. Armand dort, il dort. » « Il dort. » Le comte alors eut un geste de désespoir. et se laissa tomber à genoux devant la jeune femme. « Madeleine, Madeleine, ma chère Madeleine, est-ce que ma voix n'éveille aucun écho en ton âme? Est-ce que notre amour ne peut faire un miracle? Mais regarde-moi, reconnais-moi. Je suis Armand que tu attendais, Armand pour qui tu prépares ces fleurs, Armand. » La démente regarda alors celui qui lui parlait ainsi, qui avait pris ses deux mains qu'il couvrait d'ardents baisers. Elle le regarda longuement, comme si un travail se faisait dans sa pauvre tête. Elle se penchait même pour mieux voir, pour mieux entendre. Ce fut une minute d'angoisse pour tous ceux qui assistaient à cette scène dramatique. Qu'allait-il arriver? Madeleine reconnaîtrait-elle le comte, son mari? Recouvrerait-elle du coup sa raison? La démente redeviendrait-elle la Madeleine d'autrefois, si aimante, si affectueuse, si belle et si tendre? « Oh, Madeleine, dit le comte, c'est moi, Armand, c'est moi !» La jeune femme lentement secoua la tête et douloureusement répondit « Non, Armand dort, il dort !» Elle dégagea ses mains de l'étreinte du comte, s'écarta de lui. De son pas si léger qu'elle semblait glisser, elle vint au sergent. « Jacques, dit-elle affectueusement en lui tendant la main, mon ami Jacques, emmène-moi, allons chercher des fleurs !»